Bonjour, nous allons vous présenter un morceau de musique de l'Adré. C'est un endroit très sec, car il est en plein soleil. Les musiciens sont le martinet noir. Nous sommes la garrigue. Nous sommes les criquets. Je suis le martinet noir. Nous sommes la roche. Nous sommes le vent. Je suis la cigale.